Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Pourquoi la France des années 70 n'a-t-elle pas connu une flambée terroriste comme ont pu la connaître ses voisins allemands, italiens et même belges? C'est une question qui a été souvent débattue et dont nous avons parlé ici même avec Monsieur X. L'explication la plus commune, au moins par comparaison avec l'Allemagne et l'Italie, étant que ces deux pays avaient été profondément marqués par leur long passé totalitaire, la France, elle, n'ayant subi que 4 ans d'un régime autoritaire et fascisant. Ainsi, la vague terroriste s'expliquerait par la révolte des fils contre la compromission des pères, peut-être. Mais pour poursuivre la comparaison, la France n'a pas échappé à la grande fièvre éruptive qui a saisi la jeunesse de presque tous les pays à la fin de la décennie 60. Alors oui, pourquoi les jeunes gens en colère de ces années-là, poursuivant leur révolte, n'ont pas fait couler le sang comme les militants de la fraction armée rouge allemande et des brigades rouges italiennes? Il existe une autre explication. Ce sont l'infiltration et la surveillance des mouvements extrémistes qui auraient permis de juguler la violence et de limiter la contagion gauchiste. Pour ces contempteurs, ce ne serait qu'une lecture policière de l'histoire. Il n'empêche, ces tentatives d'infiltration ont bien eu lieu et elles ont parfois été couronnées de succès. Ce que raconte aujourd'hui Monsieur X. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diap dénonce, je renonce Mao, Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Je ne vais pas remonter très loin et vous faire l'historique des mouvements gauchistes en France, mais une seule organisation inquiète réellement le pouvoir après la grande exaltation de mai 1968. Oui, c'est la gauche prolétarienne. C'est ça. Ou comme on les appellera de façon un peu simpliste, les Mao. Oui, parce qu'ils s'inspirent effectivement de la pensée de Mao Zedong. En gros, oui. La gauche prolétarienne est donc une organisation dans laquelle l'individualité, le confort bourgeois et l'ambition des militants vont être sacrifiés à la révolution, à la guerre civile. L'idée est donc d'appliquer en France le type de comportement des gardes rouges ou des révolutionnaires chinois. Parenthèse, ces jeunes Français connaissent-ils alors la terrible réalité de la révolution culturelle? Non, et d'abord parce qu'en Occident, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe en Chine. Et ça explique pourquoi, au moins jusqu'au mi-temps des années 70, certains intellectuels, et non des moindres, continueront à se réclamer du maoïsme. Enfin, je poursuis. Après 1968, les deux places fortes du maoïsme sont l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et l'Université expérimentale de Vincennes, qui a été ouverte à la rentrée universitaire de l'automne 68. Oui, à l'initiative du ministre Edgar Faure. Hein. Et c'est à Vincennes que les jeunes Mao vont rencontrer un certain nombre d'intellectuels emblématiques comme Foucault, Cixous ou Deleuze, pour ne citer qu'eux. On y trouve aussi des étudiants déjà influents, tels Glucksmann. Mais quand exactement la gauche prolétarienne voit-elle le jour ? Au tout début de 1969, à la suite d'un accord entre Serge July, qui vient du mouvement du 22 mars. Le mouvement, on est né à la fac de Nanterre, qui est à l'origine de mai 68. July, donc, et Alain Gesmard, dirigeant du syndicat national de l'enseignement supérieur. L'un des meneurs de mai 68. Et l'on trouve également, dans le noyau créateur de la gauche prolétarienne, un brillant étudiant de la rue d'Ulm, Robert Linhart et Benny Lévy, alias Victor, qui sera le véritable chef de l'organisation jusqu'à son autodissolution en 1973. Le texte fondateur est publié au début 1969 sous la signature de July et Gesmard. Le titre de leur livre est très explicite, « Vers la guerre civile ». Et le contenu, à peu près ? Je vous citerai de mémoire qu'une seule phrase. Ça donne à peu près ceci. Voici le début de la guerre populaire contre les expropriateurs, le commencement d'une lutte de classe prolongée. Et concrètement alors ? En attendant de passer à l'action, les dirigeants de la gauche prolétarienne peaufinent leur doctrine. Ce qu'ils attendent, c'est la création d'un parti communiste. Un nouveau parti communiste. C'est ça. Mais attention, il n'est pas question pour eux de décider de sa création. Non, c'est la classe ouvrière qui doit prendre l'initiative. Les militants révolutionnaires ne sont là que pour aiguillonner le peuple, préparer la naissance de ce parti authentiquement marxiste-léniniste, inspiré par la révolution chinoise. Ouais, ce doit être spontané. Et c'est pourquoi, non sans ironie, on les appellera les Mao Spontex. Faut remarquer que la démarche volontariste de ces militants vient à rebours de l'esprit de mai 68 qui était généralement anti-autoritaire. Et même libertaire. Hein. Mais les Mao, eux, prônent une révolution militarisée, ne répugneront pas à utiliser la violence. C'est pourquoi ils ne tarderont pas à se doter d'un bras armé. Enfin, n'allons pas trop vite. Quoi qu'il en soit, la police s'intéresse très vite à la gauche prolétarienne. Je vous rappelle qu'à la suite des événements de mai 68, un nouveau ministre de l'Intérieur est arrivé, place Beauvau. Oui, c'est Raymond Marcellin. C'est un homme à poigne qui a fait d'emblée du combat contre les gauchistes sa priorité. Et c'est pourquoi il va mobiliser les renseignements généraux et la DST. Les RG, ça se comprend, c'est une police politique chargée d'informer le gouvernement. Mais la DST, pourquoi ? C'est un service de contre-espionnage. Hein. Ce qui ne l'empêchera pas de jouer le rôle que vous savez dans l'affaire des plombiers du Canard enchaîné. Mais enfin, passons. Non. Si Marcellin lance sur le terrain la DST, c'est qu'il nourrit un fantasme. Quoi ? Il pense, et il n'est pas le seul, au gouvernement, et plus généralement à droite, que l'agitation gauchiste est fomentée par des éléments étrangers. Certains hommes politiques de droite avaient déjà sérieusement soutenu que mai 68 avait été provoqué par Fidel Castro. En tout cas, cette vision permet à Marcellin d'impliquer la DST dans cette lutte contre la subversion. D'autant que ces jeunes gens affirment s'inspirer de la doctrine maoïste. La Chine pourrait les aider ? Théoriquement. En réalité, les diplomates de Mao seront beaucoup trop prudents pour se mouiller. Alors, leur aide sera très ponctuelle et consistera surtout à fournir des brochures et à inviter quelques-uns des Mao, une poignée, à venir à Pékin. Ouais, donc pas grand-chose. Enfin, peu importe. Marcellin prend ce combat très au sérieux. Il faut dire que la gauche prolétarienne a franchi un pas. La violence. Oui. Ces militants en usent au cours d'opérations ponctuelles. Des policiers sont attirés dans des pièges et sérieusement molestés. Ailleurs, ce sont des agents de la RATP qui sont attaqués afin de s'emparer de carnets de tickets. Le but étant de les remettre aux travailleurs. Qui voyageront ainsi gratuitement. Et puis, il y aura un peu plus tard, cette opération coup de poing chez Fauchon. Une action symbolique. Les Mao dévalisent cet épicier de luxe et redistribuent le produit de leur rapine dans quelques bidonvilles de la banlieue parisienne. Robin des Bois, en somme. Et parallèlement, la gauche prolétarienne poursuit son implantation dans les usines, en créant ce qu'elle appelle des comités ouvriers de base. Et en s'appuyant sur les étudiants qui se sont établis, selon le jargon en usage. C'est-à-dire des jeunes gens qui, non sans un certain courage, abandonnent leurs études pour se faire embaucher dans des usines. et ils sont relativement nombreux. Oui, mais ça suscite aussitôt la méfiance des syndicats ouvriers traditionnels. La CGT, surtout, et ça se traduit par de fréquents heurts. Chez Renault, par exemple, la citadelle ouvrière, comme on l'appelle, les CGTistes ne voient pas d'un bon œil cette propagande gauchiste relayée par les étudiants établis au sein même de leur fief. Et ça se passe mal. Hein. Et parfois même à coups de barre de fer. En tout cas, incontestablement, la gauche prolétarienne marque des points et son audience progresse. Elle essaie en particulier de rallier à son combat les ouvriers immigrés qui sont très nombreux dans les usines. On estime qu'à la fin 1969, les militants Mao sont au moins 500. Un chiffre qui ne cessera d'augmenter. On note aussi un infléchissement théorique important à l'initiative de Pierre Victor. Oui, Benny Lévy. Et de quoi s'agit-il hein? Les Mao n'ont bien sûr pas connu la guerre et l'occupation, mais beaucoup cultivent le mythe de la résistance et s'y réfèrent régulièrement. Ouais. Résistance contre le patronat. Et le pouvoir, naturellement. Et ce n'est pas un hasard si l'une des leurs, Dominique Grange, chante les nouveaux partisans. L'exploitation des travailleurs est donc assimilée aux méfaits de l'occupation nazie. Et police et bandes patronales sont comparées à la milice de Vichy. Quant aux militants du Parti communiste, ce sont ni plus ni moins que des collabos. Avec un K allemand à la place du C. Ce que Marchais doit apprécier. Hein. Cependant, bien évidemment, face aux provocations de la gauche prolétarienne, Marcellin n'entend pas rester indifférent. Il lance une première offensive en mars 1970. Le journal de l'organisation La Cause du Peuple est saisi. Et ses directeurs, Jean-Pierre Le Dantec, puis Michel Lebris, sont embastillés. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, car Jean-Paul Sartre se propulse à la direction du journal. Ouais. Jean-Paul Sartre, pratiquement intouchable. Oui, oui, vous vous souvenez sans doute du mot du général de Gaulle. On ne met pas Voltaire en prison. Ça n'empêche quand même pas le pouvoir de sévir. La gauche prolétarienne est interdite, puis dissoute en conseil des ministres et son porte-parole, Alain Gesmard, qui vivait dans la clandestinité, est arrêté à son tour. Sous quel motif, lui ? Incitation à la violence et voie de fait contre des agents de la force publique. Une inculpation légitimée par la loi anticasseur qui vient d'être votée. Une loi qui a été vivement critiquée par la gauche. Oui, parce qu'elle permet de mettre en cause des responsables, même quand leur présence sur le terrain n'a pas été démontrée. Mais on reviendra sur l'arrestation de Gesmard, car c'est la conséquence de la politique d'infiltration de la gauche prolétarienne, conduite par le ministre de l'Intérieur. Alors Gesmard a donc été trahi. C'est certain. Raymond Marcellin, ennemi numéro un de la gauche prolétarienne. Voici par exemple ce que l'on peut lire dans l'histoire secrète de la Ve République de Francis Zamponi. Sincèrement persuadé que les gauchistes risquaient de livrer la France au bolchevisme, le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, s'est employé pendant 6 ans à faire de la police nationale le bouclier de l'ordre établi. Aussi bien dans la rue que dans les esprits, secouant les magistrats qu'il estimait englués dans des scrupules juridiques hors de mise face à un tel enjeu, Raymond Marcellin s'attaque à la liberté de la presse. Il s'en prend à la liberté d'association et refuse en toute illégalité la déclaration en préfecture de l'association Les Amis de la Cause du Peuple. Moins ouvertement, mais avec autant de ténacité, le ministre s'emploie à repérer, ficher, espionner tous ceux qui lui semblent susceptibles de colporter des idées suspectes et de dévoyer la jeunesse. Sont en particulier visés les intellectuels pervertis du genre de Jean-Paul Sartre, qui sera surveillé par une trentaine de policiers appartenant à des services différents. Des perquisitions, parfois officielles, mais le plus souvent clandestines, permettent aux policiers de ramasser les noms et les adresses de centaines de personnes qui sont placées sous surveillance. Leur mise sur écoute téléphonique, l'interception de leurs courriers, le recensement de leurs proches permettent aux RG de découvrir de nouveaux noms et donc de subodorer l'existence de nouveaux réseaux encore plus clandestins que les premiers. 3000 personnes seront ainsi fichées, dont près de 300 seront placées sous haute surveillance. Qui a donc trahi Gessmar ? Bon, je vous en prie, un peu de patience et je vous répondrai. En attendant, voyons la suite. En réponse au coup porté par le pouvoir, le chef de la gauche prolétarienne, Benny Lévy, prône des actions de résistance armée en appel à la guérilla urbaine. Ah, c'est une vraie déclaration de guerre, ça. Ça y ressemble, en effet. Mais dans les faits, ce n'est guère impressionnant. Et d'abord parce que seuls les militants de la région parisienne se disent prêts à franchir le pas. Ensuite, parce que ces actions armées sont encore bien modestes. On lance surtout des cocktails Molotov, en prenant soin de ne blesser personne. Même précaution quand il s'agit de poser une bombe au journal d'extrême droite, Minute. Oui, on s'assure que l'explosif ne pourra pas faire de victimes. Oui, et c'est très révélateur de ce qui sera ensuite l'attitude de la gauche prolétarienne. Un peu de violence, oui, mais surtout pas de mort. Ouais. Par conséquent, ceux qui prétendent que c'est l'action de la police qui a empêché l'organisation de verser dans le terrorisme ont tort. Je le crois vraiment. Il n'était fondamentalement pas dans la nature des gens de la gauche prolétarienne de perpétrer des attentats aveugles à la manière des terroristes de l'époque. Toutefois, reprenons. Cet appel à la guérilla n'est donc guère très inquiétant. Même si, on va bientôt le voir, ce refus de tuer ne signifie pas que ces militants sont des tièdes, quoi qu'il en soit. En regard, la répression policière apparaît disproportionnée. Ça permet aux Mao de s'attirer la sympathie d'un nombre grandissant d'intellectuels et de personnalités du spectacle. Ouais, leur cause devient à la mode. C'est certain. Mais franchement, ont-ils représenté, à un moment ou à un autre, un danger pour le pouvoir ? Pas vraiment. C'est surtout la répression qui leur a donné une importance démesurée. Mais pour les dirigeants de la Ve République, c'était de bonne guerre. Avant un rendez-vous électoral, en l'occurrence les élections de 1971, il n'était pas inutile de faire peur aux citoyens. Ouais, la gauche prolétarienne a donc joué un rôle d'épouvantail. C'est exactement ce que je voulais dire, oui. Et c'était d'autant plus facile à faire passer que le Français moyen n'avait toujours pas digéré la grande peur que lui avait inspirée mai 68. Ouais. Alors vous m'avez dit que ce n'étaient pas des tièdes. Et certains d'entre eux même aimaient réellement la bagarre. La bagarre physique. En effet. Ouais. J'en veux pour preuve que la gauche prolétarienne s'est adjointe une branche militaire indépendante. Indépendante. Et qui ne dépendait donc pas directement du noyau central de l'organisation. Ouais, une organisation par ailleurs dissoute, hein, il faut le rappeler. Et c'est pourquoi les dirigeants vivent dans la clandestinité. Alors cette branche militaire là. Elle est naturellement encore plus clandestine et n'entretient de rapport qu'avec Benny Lévy. Son chef s'appelle Olivier Rollin. Ouais, celui qui est devenu aujourd'hui un excellent écrivain. Hein. Et quelles vont être les actions perpétrées par cette organisation secrète ? Bon, je vais vite. Ses objectifs d'abord. Lancer la guerre révolutionnaire et donc préparer l'insurrection. Mais autant le dire tout de suite, ses actions concrètes seront bien en deçà. Me contenterai de mentionner quelques tentatives d'enlèvement, des plastiquages et des opérations commando pour venger les nombreuses bavures de la police lors des affrontements. En fait, ces actions sont plutôt symboliques. Et par exemple, alors ? Une esquisse d'attaque de la prison de la Santé ou cette action contre l'ambassade de Jordanie pour venger les massacres de Palestiniens. Une action qui a failli coûter la vie d'un militant grièvement blessé par balle. Ou bien encore, le projet d'enlèvement du PDG de Framatome. Projet qui ne sera jamais réalisé. Mais vous avez parlé d'une action en faveur des Palestiniens. Hein. Oui, c'est une donnée importante. Dès l'été 69, les dirigeants de la gauche prolétarienne ont pris des contacts avec des militants de la cause palestinienne. Et essentiellement sous l'impulsion de Benny Lévy et de sa femme, qui sont même allés visiter des camps palestiniens en Jordanie. Un pacte de solidarité a même été scellé entre l'OLP et les Mao français qui jurent d'aider les Fedaïnes. Pour l'anecdote, ces liens ont été tissés par le frère aîné de Beni qui s'est converti à l'islam. Malgré sa judéité. Oui, et la gauche prolétarienne va dès lors commettre quelques attentats anti-sionistes comme l'attaque de l'hôtel particulier du baron Rothschild. Le lendemain, 100 jeunes militants, dont une bonne moitié d'Arabes, marcheront sur le siège de la banque et y mettront feu. Alors bon, pardon d'avoir été si long et venons-en à la question que je voulais aborder. Oui, c'est-à-dire l'infiltration par la police de la gauche prolétarienne. Il y a sans doute eu plusieurs tentatives plus ou moins réussies, mais j'en retiendrai deux principales. Oui, parce qu'elles ont fini par être révélées, celles-là. Le premier infiltré s'appelait Joseph Tournel. C'était un ancien mineur victime de la silicose et qui affirmait avoir appartenu au FTP pendant la guerre. Mais pour les militants de la gauche prolétarienne, il avait donc tout pour plaire, hein, résistant et prolétaire. En effet. Il a été recruté par le biais d'un ami d'enfance dans le Nord Pas-de-Calais. Et pour les Mao, c'était une recrue de choix. Ajoutez à tout cela que c'était ce qu'on appelle une grande gueule. Jamais avare d'un bon mot, d'une plaisanterie souvent gauloise. Car Joseph, c'est évident, était un obsédé. Un obsédé sexuel ? Oui, et ça choquera quelques militants. Qui, toutefois, le garderont pour eux. Car Joseph, c'est pour ces intellectuels l'archétype du prolétaire. Et le peuple a toujours raison. C'est ça. Donc on oublie ses écarts et on l'écoute avec attention. Ouais, la voix du bon sens, en quelque sorte. Et ça explique sa rapide ascension au sein d'une organisation qui rassemble essentiellement des intellectuels. Et sans exagérer, il va même faire l'objet d'une réelle vénération de la part de ces jeunes gens tellement instruits. Songez quand même qu'il fera les honneurs de bruit en Artois à Jean-Paul Sartre. Au moment de l'affaire de cette adolescente, la tuée et violentée qu'on retrouvera dans un terrain vague, hein, près de la maison d'un notable. Oui, oui, et Joseph jouera même un rôle plutôt néfaste dans cette affaire. Et ça ne sera guère à l'honneur de la gauche prolétarienne, car c'est lui qui instillera dans la tête des dirigeants que cet assassinat a une dimension sociale. La petite fille pauvre a forcément été la victime de bourgeois pervers. Ouais, un notaire... Et sa maîtresse. Et l'occasion pour les dirigeants Mao de commettre de sérieux dérapages. Mais enfin, revenons à Joseph Tournel. Sa grande popularité au sein de la gauche prolétarienne est telle qu'il accède bientôt au sein des saints, le noyau des chefs. Il fait partie du comité exécutif. Oui, il est le seul prolo. À vous entendre, on a l'impression que les Mao le considéraient comme une bête curieuse, hein, le représentant d'une espèce à protéger. Ah, il y avait de ça, et ça lui permettra de parader à maintes reprises. Mais, alors, il va aussi devenir une taupe de la police. Comment en est-il arrivé là ? Je crois vous avoir laissé entendre que ce Joseph n'était pas un personnage très clair. Syndicaliste, il aurait eu tendance à piocher dans la caisse. Ah oui, et la police l'aurait appris. Peut-être même qu'on lui a sauvé la mise en lui donnant de l'argent pour rembourser. Mais il y avait aussi ses obsessions sexuelles. Bref, les policiers des RG ne manquaient pas d'arguments pour le décider à trahir ses amis de la gauche prolétarienne. Et pour la police, ça a été une excellente recrue aussi. Oui, hein. Et grâce à Joseph, la gauche prolétarienne n'avait plus beaucoup de secrets pour les hommes de Raymond Marcellin. Même s'il faut nuancer. Car si pour un Benny Lévy, Joseph était un homme de confiance et même un conseiller écouté, d'autres se méfiaient de lui, en particulier les chefs de la branche militaire comme Olivier Rollin. Mais c'est un autre indicateur qui va permettre à la police, la DST en l'occurrence, de parfaire sa pénétration du mouvement Mao. Et qui alors ? Un jeune ouvrier des usines Peugeot de Sochaux, un type qui était précédé par une redoutable réputation. C'est-à-dire ? À la fin du mouvement de mai 68, il y avait eu des épisodes très violents entre les CRS et les manifestants. Et deux des membres des forces de l'ordre auraient même été tués, puis on les aurait fait disparaître en les précipitant dans une cuve d'acide. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais l'important dans notre affaire, c'est que ce jeune ouvrier, Denis Mercier, aurait été l'acteur principal de cet événement. Un tueur de flics, vous imaginez ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je ne veux pas anticiper sur le récit de Monsieur X, mais je voudrais vous lire quelques lignes extraites du roman d'Olivier Rollin, Tigre en papier. Il y brosse un portrait de ce Denis Mercier, le prétendu tueur de flics, qu'il présente sous le sobriquet de Juju. Extrait. Juju était le chef de la base ouvrière de Sochaux. Un petit Rabelais, tout en muscles compacts et voix rauques, un petit matelot qui aurait bien plu à Genet. C'était un féroce, c'est au moins la réputation qu'il avait, qu'il se faisait et qui vous convenait. Un prolo de Sochaux, déjà, ça ne pouvait pas être un rigolo. Les usines Peugeot à l'époque, si loin dans l'Est, et le froid si dur, c'était un peu, pour les petits bourgeois que vous étiez, ce que devaient être les forêts de la Germanie pour un Romain de la décadence. Même les mines du Nord-Pas-de-Calais, trop proches de Paris, trop syndicalisées et politisées, trop civilisées, n'étaient pas revêtues de ce prestige effrayant. Renaud Biancourt, n'en parlons pas. Se rendre à Sochaux, c'était plonger dans une crevasse de l'espace-temps. Province absolue, sans métropole, patronat de droit divin, climat cimérien. On sentait que l'Oural n'était pas loin. Avant d'en venir à l'histoire tragique de Denis Mercier, il faut dire qu'un autre militant, un Africain, a été lui aussi recruté par la police. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'assez vite, il a intrigué ses camarades de la gauche prolétarienne. En effet, arrêté par la police, il a été très vite remis en liberté. Et ça, ça a paru louche. Oui, l'équipe d'Olivier Rollin lui a tendu un piège et on a découvert sur lui tout un appareillage électronique sophistiqué. Et comment ça s'est terminé pour lui ? Il a comparu devant ce que les Mao appelaient assez pompeusement un tribunal populaire et il a été condamné à mort. Mais sa peine a été assortie du sursis. Ouais, il s'en est sorti. Et une fois de plus, ça montre la différence entre la gauche prolétarienne et d'autres organisations terroristes européennes, en Italie ou en Allemagne. Il est probable que ce traître aurait été exécuté. Ouais. Et pour revenir une dernière fois à Tournelle, lui n'a jamais été découvert ? Il a fini, je ne sais comment, par être démasqué au début des années 80, à l'occasion de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais le temps avait passé et les anciens de la gauche prolétarienne avaient pour la plupart renoncé à leurs idéaux révolutionnaires. Par conséquent, rien n'a été tenté contre lui et il a fini par mourir de sa belle mort. Alors, l'histoire de Mercier. Je vous ai dit que Marcelin avait aussi mobilisé le contre-espionnage pour lutter contre la subversion gauchiste. Oui, la DST. Et un jeune inspecteur en poste dans l'est de la France, Dominique de Fendy, a été chargé de cette besogne. Dans un premier temps, il doit débusquer d'éventuels liens de la gauche prolétarienne avec le terrorisme international. Ça, c'est le fantasme de Marcelin. Hein. Oui, mais ce policier s'aperçoit rapidement qu'il n'y en a pas. Le ministre de l'Intérieur lui assigne donc un autre objectif. Il doit recruter une taupe et l'inciter à perpétrer des attentats. Mais dans quel but ? Dans la perspective des élections municipales de mars 1971. Il faut montrer que le danger terroriste est bien réel et que la gauche est complice. En outre, il n'est pas inutile d'accroître la zizanie entre la gauche prolétarienne et le Parti communiste et sa courroie de transmission chez les travailleurs, la CGT. Ouais. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer la gauche prolétarienne, mais plutôt de l'utiliser. Exactement. Encore faut-il trouver cette taupe. Alors comment ce jeune inspecteur procède-t-il ? Il commence par discuter avec ses collègues de la police nationale et consulter leur dossier. Un mot avant. Mai 68 s'était prolongé dans la région de Sochaux, je vous l'ai dit. On y a observé des incidents très violents. Le 11 juin 1968, alors que l'usine Peugeot en grève est occupée depuis 15 jours, les forces de l'ordre interviennent. Un ouvrier est tué. Les autres résistent et se retranchent dans l'usine. Et il y aura des morts. Oui. Dont ces deux CRS qui auraient été jetés dans une cuve d'acide. Mais dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Il faut noter que sur ordre de Paris, il n'y a vraiment jamais eu d'enquête. Ouais, mais 68 se terminait. Il fallait calmer le jeu. Il n'empêche que quelques ouvriers ont été arrêtés. Parmi eux, un tout jeune homme violent et instable, Denis Mercier, qui semblait impliqué dans la disparition des CRS et qui était soupçonné d'être l'un des meneurs des émeutes. Mercier est donc arrêté à son domicile dans son HLM de Bettencourt. Et il va passer 3 mois en prison. Pour lui, c'est d'ailleurs la 3e fois. Ah, et avant, c'était pourquoi ? Des bagarres. Quand il est libéré, c'est pour apprendre qu'il a été viré de Peugeot. Alors, pour nourrir sa femme et ses 2 enfants, il fait des petits boulots et il essaie de se tenir à carreau car son épouse l'a prévenu. S'il retourne en prison, elle le quitte. Et c'est donc alors ce jeune homme qui a retenu l'attention du policier défendu ? Oui. Parce qu'il lui paraît avoir le profil du type qu'il cherche. Comment l'aborde-t-il ? Defendi, qui se fait appeler Goldoni, se présente comme étant un journaliste. Ouais. Et Mercier lui raconte son histoire ? Bien sûr, et comme le policier n'ignore pas que le jeune ouvrier est dans une situation financière difficile, il l'invite au restaurant et lui donne un peu d'argent. Ouais, et de fil en aiguille Un beau jour, Defendi abat son jeu. Mercier ne se doutait de rien ? Il s'était quand même étonné lorsqu'il a observé que ce curieux journaliste portait une arme. Bon, ça ne l'avait pas empêché de continuer à rencontrer le faux Goldoni. Quand ce dernier se dévoile, que propose-t-il à Mercier ? Il lui offre non seulement de l'argent, mais aussi de le faire réembaucher ses Peugeots. Il en a les moyens ? La direction du personnel n'a rien à refuser à la police. Et en contrepartie ? Mercier doit s'engager dans les rangs de la gauche prolétarienne. Et rendre compte de ses activités. Naturellement. Et Mercier, qui est intelligent, se coule dans son nouveau rôle. Il n'est jamais le dernier à dénoncer la dictature Peugeot. Il est même devenu un militant si convaincant que sa réputation arrive jusqu'aux oreilles du grand chef, Benny Lévy. On lui demande même de créer une cellule de la branche armée et d'organiser des attentats. Pour Defendi, c'est parfait. Et pour rassurer le jeune homme, il lui promet la protection de la DST. Mercier s'enhardit et commet un premier attentat dans l'entrée d'un palais de justice. Puis Mercier se rend à Paris. Les chefs de la gauche prolétarienne veulent voir de près le prolo qui est si actif à Sochaux. Et la séduction est réciproque. Mercier est apprécié, admiré même, et le jeune ouvrier, lui, est subjugué par le discours de Lévy. Donc, quand il revient à Sochaux, il est gonflé à bloc. Défendit le contrôle toujours. D'autant plus que Mercier se rend maintenant plusieurs fois par mois à Paris, où il assiste aux réunions. Et ses directives sont claires. Il doit faire tout ce qu'il peut pour pousser les Mao vers le terrorisme. Il dit qu'il faut enlever, tuer des capitalistes et tous les ennemis de la classe ouvrière. Mais alors, ne risque-t-il pas de devenir un vrai militant sincère, je veux dire ? Il est certain qu'il y a un risque, tant le jeune ouvrier semble s'enthousiasmer. En mai 70, il a par exemple oublié de prévenir Defendi du raid contre Fauchon. Alors qu'il était au courant. Et en même temps, il commence à prendre ses distances avec le policier. Danger. Oui, car Mercier désormais s'y croit. C'est sans doute aussi pourquoi on va le mouiller. C'est-à-dire Fin octobre 1970, il reçoit l'ordre de préparer un attentat contre les garages Peugeot à Montbéliard. La tentative rate, mais il est arrêté en flagrant délit avec deux complices. C'est une tuile pour Defendi, là. Oui et non. D'accord, son indicateur est en prison, mais en même temps, s'il parvient à le faire libérer, l'autre lui mangera dans la main. Ce qui arrive ? Non sans difficulté. Mercier est donc à nouveau libre, mais il est démoralisé et son épouse l'a quitté. L'instabilité de sa taupe inquiète de plus en plus Defendi. En fait, c'est son double jeu qu'il supporte de plus en plus mal. Et il déclare même aux policiers qu'il est prêt à tout raconter à Benny Lévy. Au même moment, on est alors en 1972, les événements s'accélèrent. C'est la mort de Pierre Aubernet. Tué par un gardien de Renault. C'est un vrai tournant pour la gauche prolétarienne. Sa branche militaire organise l'enlèvement d'un cadre de la régie. Mais à la demande des chefs, il est rapidement libéré. Une fraction de plus en plus importante de la gauche prolétarienne est prête à renoncer une fois pour toutes à la violence. D'autant que, autre traumatisme, ces militants sont profondément choqués par l'assassinat par le FPLP des athlètes israéliens de Munich. Et que devient Mercier, là ? Defendi est de plus en plus inquiet. Son goût prononcé pour l'argent et son instabilité pourraient l'amener à basculer dans le vrai terrorisme. D'autant que la gauche prolétarienne, ne représentant plus un danger pour le pouvoir, il va bientôt cesser d'être rémunéré. Et aussi le risque qu'il rende public son histoire ? Peut-être. Mais très opportunément, en 1973, un accident de voiture mortelle règle la question. Un assassinat ? Defendi, lui, a privilégié la thèse du suicide. Mercier avait perdu les pédales, il n'avait plus rien à perdre. Alors, oublions le pauvre Mercier. Il reste que l'existence de cette taupe pose un sérieux problème. Si la police, et donc le pouvoir, était si bien informée sur les activités délictueuses des Mao français, pourquoi l'organisation n'a-t-elle pas été totalement démantelée ? Il y a eu quand même des arrestations. Jasmar, par exemple, qui a d'ailleurs été trahi par la taupe Joseph Tournel. Mais le cerveau de la bande, Benny Lévy, alias Pierre Victor, n'a jamais été inquiété. Et pourtant, la police avait fini par l'identifier. Et elle aurait pu le cueillir assez facilement. Alors, votre explication ? Eh bien, je pense, je ne suis pas le seul, que les Mao étaient utiles, pour les motifs que je vous ai déjà expliqués. Ah oui, la gauche prolétarienne épouvantail. Oui, un instrument destiné à faire peur aux honnêtes citoyens. Afin de les inciter à bien voter. J'en suis absolument persuadé. La tentation était grande de laisser subsister l'idée que la menace terroriste existait toujours. Et c'était d'autant moins risqué que les autorités étaient parfaitement informées et qu'en cas de véritable danger, il aurait été aisé de décapiter le mouvement Mao et de mettre sous les verrous la plupart des meneurs. Pour terminer, deux livres signés par le propre fils du policier défendu, David, « L'arme à gauche » paru chez Flammarion en 2008 et « Les nettoyeurs, truands et espions » au service de la France chez Fayard en 2013. Et enfin, un autre ouvrage que je vous recommande tout particulièrement, « Officine » de Frédéric Charpier, une plongée inquiétante dans les milieux troubles des cabinets noirs dissimulés au sein du pouvoir. Un livre édité au Seuil. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, mise en onde par Michel Billoux et ornée par Monsieur Joum. Et tout de suite après le flash, un peu de rêve, CO2, mon amour de Denis Chessou.